Question 6. Un filtre à air encrassé est un facteur de surconsommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Entraîne une usure prématurée du moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.